je fais un beau métier. Avant j'étais trappeur, mais trappeur c'est léger, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Alors que le pinard, lui, fait de pauvres gens. Certains de mes clients, je suis éduque postiche. Et pas que pour le plaisir, je vais dans des familles en friche. Pour parler d'avenir, les mongolos, les alcoolos et même les ados débilos ont une façon de m'appeler qui met un coup à mon ego. Quoi ? Bonjour sécateur. Comment tu m'appelles toi ? Non, pas sécateur, éducateur. Non, il n'est pas sécateur, il a une âme, pas de lame, ouais. Ne taille pas les arbres ni les fleurs, non, non. Il ne taille pas les haies, bah, et n'est même pas tranchant, non. Certes l'esprit affûté est muni d'un gros manche pourtant. Moi j'ai fait l'école d'éduc et pas celle d'horticulture. Loin de moi l'idée de froisser les jardiniers. Mais dire que mon métier c'est sécateur, là c'est dur. L'outil de Nicolas, Nicolas le jardinier. Ce défaut de prononciation ferait office de détail dans certaines situations où les lacunes sont des failles. Voici une prescription pour l'orthophoniste le plus proche. Par respect pour ma profession, je ne veux pas qu'on l'écorche. Quand vient le jour de ma visite, ça parle beaucoup dans les quartiers. Mais l'intérêt que je suscite n'est pas celui que j'espérais. Tout le monde est derrière sa fenêtre, oubliant même les feux de l'amour. Impatient, il me guette, c'est vrai que c'est pas tous les jours. Ils pourront voir un sécateur au volant d'une Clio bleue aller chez leurs voisins de malheur qui font bien des envieux. Mes déceptions générales lorsque j'arrive en retard. Je suis tout à fait normal alors ils me traitent de bâtard. Bah alors bâtard. Non non, tu ne me parles pas comme ça s'il te plaît. Fils de bâtard. Non, je ne suis pas sécateur. J'ai une âme, pas de lame. Je ne taille pas les arbres ni les fleurs. Je ne taille pas les... Ne suis même pas tranchant. Certes l'esprit affûté muni d'un gros manche pourtant. Mais non, je ne suis pas sécateur. J'ai une âme, pas de lame. Je ne taille pas les arbres ni les fleurs. Je ne taille pas les... Ne suis même pas tranchant. Certes l'esprit affûté muni d'un gros manche pourtant. Mais non, je ne suis pas sécateur. J'ai une âme, pas de lame. Je ne taille pas les arbres ni les fleurs. Je ne taille pas les... Ne suis même pas tranchant. Certes l'esprit affûté muni d'un gros manche pourtant. Mais non, je ne suis pas sécateur. J'ai une âme, pas de lame. Je ne taille pas les arbres ni les fleurs. Je ne taille pas les... Ne suis même pas tranchant. Certes l'esprit affûté.